ma route sans trop savoir où je vais vraiment. Ma vie est un mystère dont je ne connais pas le cheminement. Alors j'écris pour essayer d'y voir un peu plus clair. Pas de mépris, je ne fais pas ça pour devenir populaire. Un anonyme, voilà ce que je suis et voilà ce qui me convient. J'emmerde la renommée, pas nécessaire pour être dans les gens bien. De toute façon, le talent se perd au profit du business, de top des ventes. Tu te l'assures avec une paire de fesses. 2011, la forme a pris le dessus sur le fond. Tu veux réussir, alors deviens un bon suceur de fion. Triste époque qui se complaît dans l'artificiel. Beaucoup se croient quelqu'un, je n'y vois que des guignols au bout d'une ficelle. Si seul, voilà ce que je suis, mais voilà ce qu'on est tous. Entoure-toi tant que tu veux, y'a bien personne quand le souci t'étouffe. Beaucoup s'inventent une vie juste pour être aimé. Mais l'amour ne s'achète pas comme les services d'une traînée.